je vois le genre. Votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je présume. Et on faisait une petite partie d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers ? Oh, c'est super cool ! C'est peut-être un jeu underground qui l'a développé. Drôle de jeu où pour gagner, il ne faut pas jouer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ludologie, le podcast du jeu sous toutes ses formes. Comme d'habitude, on va parler de jeux de société, jeux de rôle, jeux vidéo, avec toujours un ou une invitée mystère pour l'instant, qui va nous éclairer avec un point de vue particulier. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la question de la mise en scène. Le jeu, que ce soit de rôle, jeu vidéo ou même jeu de société, c'est des personnes qui interagissent dans un système de règles, certes, mais ce sont aussi des corps qui se déplacent parfois dans un espace. Et c'est là où la question de mise en scène est importante, tout comme l'ambiance qu'on a pu voir précédemment, ou même la préparation du jeu. La mise en scène, c'est peut-être comment on va bouger, chorégraphie ou comment exprimer. On va creuser cette question pendant un peu plus d'une heure, peut-être moins, on va voir, ça va dépendre, avec Rachid Marouchi. Vous l'avez peut-être entendu avec le podcast « Trois pièces dans Paris ». Qui pour l'instant est en sommeil, mais peut-être va revenir. Voilà, peut-être pour commencer, je vais te laisser te présenter. Alors donc, je suis Rachid Marouchi, du coup comédien, metteur en scène. J'ai un peu écrit aussi une ou deux pièces, dont une qui était jouée il y a quelques temps encore, mais principalement dans des collèges, des lycées. Mais je suis là principalement pour parler de la mise en scène. Évidemment, j'ai une affinité particulière avec le jeu vidéo, qui pour moi est une forme de divertissement et un média, enfin une forme de divertissement, un art et donc en fait un média, qui est encore aujourd'hui un peu sous-exploité, hélas, mais qui est passionnant. C'est un peu comme être, on ne rend pas compte de la chance qu'on a. Enfin, les gens de mon âge, pas l'âge que vous avez exactement vous, mais moi j'ai la trentaine, d'avoir connu en fait les débuts de l'émergence du jeu vidéo, comme les mecs ont pu connaître les débuts de l'émergence du cinéma, quoi. Du coup, on le voit grandir et c'est un truc qui est vraiment passionnant. Toi, avant qu'on rentre vraiment dans la thématique jeu, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton métier et faire un peu un travail de définition, nous expliquer un petit peu ce que c'est le théâtre. On a tous une vague idée, mais j'imagine que peut-être que le théâtre aujourd'hui, c'est un peu différent de ce qu'on a en tête. Et puis, force est de constater, quand on s'est penché sur la question de qu'est-ce que c'est qu'un jeu, qu'une fois qu'on commence à définir, on se rend compte que c'est plus compliqué que l'idée toute faite qu'on en avait. Effectivement, je trouve que c'est important de commencer par là. Et avant de dire ce que c'est que le théâtre, c'est important de dire ce que ça n'est pas. l'image qu'on a tous le plus souvent du théâtre quand on n'est pas vraiment en fait un gros consommateur de théâtre, c'est l'image qu'on en a au collège. Excusez-moi. Donc, le théâtre comme un art littéraire. Moi, j'ai encore des souvenirs de ma quatrième où on filait une scène de Molière. Qu'on devait lire tranquillement et après nous poser la question, question 1, qu'est-ce qui est drôle dans cette scène ? Moi, la réponse que je donnais en général, c'est rien, parce que je ne voyais pas le comique de la scène. Voilà, donc, clairement, le théâtre, ce n'est pas un art littéraire, parce qu'effectivement, la scène n'était pas drôle. Le théâtre, pour être drôle, il faut que ce soit, enfin, pour être comique en tout cas, il faut que ce soit joué. Il faut que ce soit lu d'une certaine façon. Il y a une manière de faire. Et c'est primordial de la même manière que ce serait, je trouve ça débile qu'on étudie le théâtre sous cet angle-là dans l'éducation nationale. Ça serait aussi débile pour moi qu'au collège de lire des scénarios de films d'action et de dire alors qu'est-ce qui est entraînant là-dedans. Je ne sais pas si quelqu'un s'est amusé à lire un scénario, mais c'est chiant comme la pluie. Même si c'est un scénario d'un Avenger, hein, clairement. Ensuite, le théâtre. C'est une expérience qui n'a de sens que vécue dans la liberté du spectateur à regarder où il veut, quand il veut. Ça, c'est un truc fondamental. Voilà, contrairement au cinéma où on va orienter le regard et dire à tel moment on va filmer le flingue pour que le mec comprenne bien qu'il y a un danger, au théâtre, le spectateur peut regarder où il veut, quand il veut. Du coup, tu peux pas dire le spectateur, on va tous les faire zoom au même moment à tel endroit. En fait, techniquement, on peut le faire, mais ça, j'en parlerai après. En tout cas, cette liberté du spectateur, c'est pour ça qu'il y a aussi très peu de ventes de vidéos de théâtre, à une exception près, qui est le stand-up. Le stand-up, t'as un mec, il est seul sur une scène vide. Donc là, effectivement, le spectateur, en général, il regarde le mec. Hein. Il n'y a que des cons comme moi pour regarder les projecteurs pendant ce temps-là. Alors, et aussi, oui, le théâtre, à l'image du cinéma, encore une fois, je prends cet exemple-là parce que c'est un exemple que tout le monde a expérimenté plus ou moins régulièrement. C'est un média. Et donc, il y a des genres, des sous-genres qui vont du one-man show de comédie, par exemple, à l'adaptation avec des prétentions historiques de pièces dites classiques. Et c'est souvent celle-là qu'on a en tête quand on ne connaît pas le théâtre. C'est « Oh, ciel, que fais-je donc ? Je brûle, je transis !» En fait, des trucs qui souvent emmerdent les gens. Moi, j'ai un amour particulier pour les pièces classiques, même montées comme ça, mais je comprends totalement que ça puisse faire chier 90% des gens. C'est important de préciser, pour moi, que le théâtre, c'est un média qui a une grosse variété de thématiques, de styles de phrasé, entre le phrasé d'un Gad Elmaleh jusqu'au phrasé d'un sociétaire de la comédie française. Il y a une différence qui est énorme, même sur une même œuvre. Je veux dire, amusez-vous à taper Florence Foresti Racine sur Internet. Elle a fait ça une fois, je crois, au Molière ou César, au Molière peut-être. Elle fait une scène de Racine, de tragédie, et c'est hilarant. Elle respecte le texte au mot près. Et voilà, donc, et aussi un truc important à préciser aussi, toujours dans l'idée que le théâtre n'est pas un art littéraire. Dans le théâtre qui se pratique aujourd'hui, il y a une primauté du metteur en scène. C'est-à-dire que, bon, un peu comme dans le cinéma en fait. Il y a un moment dans l'histoire du cinéma où on a commencé à considérer que l'auteur du film qu'on voit, c'était le réalisateur. Et bien pour le théâtre, pareil. En tout cas en France, c'est comme ça. À la fin du 19e, début du 20e, il y a un tournant qui s'est opéré où finalement, en fait, l'auteur du texte est devenu clairement second. Alors qu'avant ça, en fait, c'est plus compliqué que ça parce qu'avant ça, les auteurs étaient aussi metteurs en scène et comédiens de manière systématique. Voilà, Molière, c'était un auteur, mais c'était un directeur de troupe. Il jouait dans ses pièces, il les mettait en scène, il leur faisait la promotion. Enfin, il gérait tout ce qui avait un rapport avec le théâtre. Voilà, Molière, c'est pas seulement l'auteur de textes classiques. Il était aussi profondément subversif, mais ça, c'est une autre question qui n'a pas trop d'intérêt ce soir. Mais c'est important, c'est le metteur en scène qui est considéré comme l'auteur de la pièce et ça change beaucoup de choses. Voilà. Je vais reprendre la phrase au mot. Tu as parlé de mise en scène et donc, du coup, qu'est-ce que la mise en scène ? Parce qu'on a compris la notion d'auteur, mais là, il y a quelque chose de très particulier, une écriture très particulière dans le théâtre qui est ça. C'est une excellente question, Jamy. Je te le dis. La mise en scène, en fait, comme je savais que j'allais devoir à un moment ou à un autre essayer de définir ça, j'ai essayé de faire une définition un peu maison. Du coup, les universitaires, vous pouvez m'envoyer des insultes sur Twitter, hein, ne vous gênez pas. Moi, je définirais comme la mise en scène, je définirais ça comme l'art d'orienter le regard et l'attention du spectateur à son insu et de maintenir son implication pendant toute la représentation grâce à différentes techniques. Donc juste, j'appuie un peu sur certains termes. Donc c'est l'art d'orienter le regard, donc le spectateur est libre de regarder où il veut, mais nous on doit se débrouiller pour qu'il regarde principalement où on veut. Donc, et l'attention aussi du spectateur, notamment sur les pièces classiques, c'est crucial. Il y a plein de mots qui sont plus compréhensibles de nos jours, mais on veut que le spectateur en fait comprenne quand même l'essentiel de ce qui se passe. Donc on peut orienter l'attention sur un élément de langage, un état émotionnel, sur un déplacement, un élément de décor. Et ça, il y a beaucoup de techniques là-dedans. Et le fait de maintenir son implication pendant toute la représentation, grosso modo, ma façon dans le théâtre, en tout cas, c'est que le spectateur doit à aucun moment regarder sa montre ou se poser des questions sur la mise en scène ou sur les comédiens. Il faut que pendant toute la durée de la pièce, il soit totalement immergé dans l'expérience théâtrale. Pour moi, en fait, j'ai raté une mise en scène quand les spectateurs, en sortant, parlent des comédiens, de la mise en scène, du texte, et ne parlent pas, en fait, des personnages, des situations, de l'histoire. S'il y a une histoire, d'ailleurs. Voilà pour ma définition très minimale de la mise en scène et qui me permettra aussi de faire des ponts avec les différentes formes de jeu par la suite. C'est une définition qui s'applique au théâtre, mais il y a quand même des proximités avec le cinéma, puisque même si en cinéma on oriente le regard du spectateur dans le cadre du plan, dans ce plan, le spectateur laisse son regard circuler là où il le veut, entre ce qui est devant, au centre, sur les côtés, plus ou moins masqué, comme ce qu'on peut finalement avoir sur une scène de théâtre, si je ne dis pas trop de bêtises. Ben, c'est un point de vue intéressant et c'est une objection que j'ai m'efforcé de démentir immédiatement. Effectivement, le spectateur est libre de regarder où il veut. C'est au cinéma. C'est beaucoup plus le cas dans certaines formes de cinéma qui sont très lents, où finalement les plans vont s'étaler sur la longueur. Voilà, sur le cinéma qui est plus moderne et plus dynamique dans le passage d'un plan à l'autre, on n'a pas le temps. Très clairement... on n'a pas le temps de regarder ailleurs que le premier endroit qui nous attire l'œil. C'est pour ça que les pubs, par exemple, vont jouer sur des codes couleurs très précis. C'est pour ça que Coca-Cola, par exemple, a un logo rouge, pour ne citer que. Parce que le rouge est une couleur qui attire l'œil beaucoup plus facilement que le jaune, par exemple. Que quand on va mettre un logo jaune, on va le cercler de noir sur un fond blanc. C'est le cas pour McDonald's, qui avait un logo jaune à une époque, même si maintenant, je crois qu'il passe au vert un peu... sur la couleur en tout cas. Donc il n'y a pas vraiment cette liberté. Et en plus, cette liberté de regard, elle est clairement circonscrite à un champ qui est défini, qui peut aller effectivement du paysage et immense à le micro-détail sur un vêtement. C'est, dans le cinéma, pour moi, on n'oriente pas tant que ça le regard du spectateur, qu'on l'impose. C'est mon point de vue. Et il se défend complètement, et puis c'est bien argumenté. Je vais reprendre du coup sur le jeu, puisque effectivement, on sentait poindre les petites lianes entre ta définition de la mise en scène au théâtre et l'expérience du joueur, ou en tout cas, si on peut appeler ça la mise en scène du jeu. Le point fort, j'ai l'impression, c'est cette idée de sans forcer le spectateur ou le joueur, l'inciter à regarder à certains endroits, c'est ça ? Pour ce qui concerne le jeu de manière générale, oui, il y a une nécessité, en fait, de ne pas perdre le joueur dans le jeu. Il faut que la dynamique du jeu, même la façon dont il est construit matériellement, pour les jeux de plateau notamment, soit suffisamment claire au premier regard pour qu'on ait déjà une notion des mécaniques de base. Par exemple, le Monopoly, pour prendre un exemple très grossier, à différents sens d'ailleurs, mais pour le Monopoly, il y a un truc très clair. Il y a une ligne de départ avec marqué en dessous, si vous repassez par là, vous touchez 20 000 francs. Il y a des cases qui font tout le tour du plateau et au centre, il y a deux cases pour les deux types de cartes avec marqué le nom des types de cartes. Tu n'as jamais joué au Monopoly, normalement tu sais où tu commences, tu sais où tu poses les cartes et tu sais dans quelle direction tu vas. Tu as déjà les mécaniques de base. C'est c'est ce qu'on pourrait appeler du level design presque, même si ça sera un abus de langage... assez honteux de ma part. Ce qui me fait me poser une question pour commencer justement à faire des passerelles. Mais quels sont les petits trucs de mise en scène du théâtre que on pourrait peut-être adapter en jeu ? Alors là, on a vu les éléments peut-être. Alors là, tu évoques le level design. Moi, j'aurais dit plus graphique. Mais au niveau au théâtre, il y a plein de choses. Il y a les sept coups, il y a courge, côté cour et côté jardin. Quels sont les petits trucs et astuces des metteurs en scène et des metteuses en scène qu'on pourrait adapter en jeu? Déjà, il faut que je mette fin à un mythe. Je suis désolé pour tous ceux qui croient encore au Père Noël. Au théâtre, les sept coups n'existent plus. C'est un truc qui n'existe plus. C'est vraiment, en fait, quand on fait les sept coups au théâtre, en général, c'est une vanne, quoi. C'est vraiment ça. Ça n'existe pas. Pour ce qui concerne Jardin Court, juste pour préciser, après je répondrai à ta question, si je m'en souviens encore à la fin de mon très long argumentaire qui va suivre. Pour ce qui concerne Jardin Court, en fait, c'est une convention débile. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, en gros, quand on est face à la scène, Jardin, c'est à gauche et Court, c'est à droite. Pour s'en souvenir, un truc simple, hein, essayez d'écrire Jésus-Christ ou Jacques Chirac sur le plateau d'une scène. Il y aura J à gauche et C à droite. Voilà, JC. Et ça, c'est une convention qui est purement technique. Parce que, en fait, les comédiens sur le plateau, ils sont face à toi. Et du coup, tu te retrouves à leur dire va à droite, non, l'autre droite, systématiquement. Et du coup, d'un moment, on a dit la convention bon, on va dire jardin, cours, comme ça, on sait tout le temps où aller. Comme l'Est et l'Ouest, par exemple. Et ça, c'est une convention. Ou comme dans les très vieux jeux textuels, le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest. Qui sont finalement assez arbitraires, en fait. Hein. Le nord, ça va être le haut, plus ou moins, ou l'avant. Le sud, ça va être considéré comme l'arrière, etc. C'est juste pour rappeler un peu ça. Concernant les techniques, en fait, il y en a différents types. Il y a notamment les techniques, en fait, qui peuvent être appliquées aux différents arts. Les techniques de contraste, par exemple, pour attirer le regard à un endroit particulier. Les contrastes, ça peut être de différentes sortes. Effectivement, il peut y avoir les contrastes de couleurs assez clairement, les contrastes vides, pleins. Je prenais l'exemple tout à l'heure du Monopoly, le centre du plateau est vide et il fait contraste avec les cases qui sont pleines. Du coup, on va être plus attiré par le plein que par le vide qu'on va explorer assez vite. Il peut y avoir aussi, pour le jeu vidéo comme pour le théâtre, pour attirer le regard, ce qui est très peu utilisé dans le jeu vidéo d'ailleurs, mais qui pourrait l'être, des contrastes entre... quoique c'est un peu utilisé, mais vous allez vous en venir. Les contrastes entre la vitesse, enfin, entre les différentes vitesses, pour exemple, le jeu vidéo par excellence, c'est le Goliath. On a plein d'ennemis très vifs, et ils bougent dans tous les sens, et ils vous tirent dessus, et d'un coup, on voit poindre un ennemi qu'on va reconnaître d'une part par rapport à sa taille et aussi par rapport au fait qu'il bouge beaucoup plus lentement que les autres. C'est ça. Imaginez un mec seul, immobile dans une foule, dans les couloirs à Châtelet, on ne voit que lui. Enfin, Châtelet-Léal, c'est une grosse gare parisienne, évidemment, que tout le monde connaît, mais je précise quand même. On ne peut pas passer pour un parisien trop parisien-centré. Trop tard. Voilà, le silence et le bruit. Qu'est-ce qu'il peut y avoir un truc qui peut être aussi dans du contraste. C'est la répétition d'une séquence, répétition plusieurs fois d'une séquence, et la modification très fine d'un élément de cette séquence. Vous voyez quatre fois dans le jeu ABC, ABC, ABC, et à un moment, en fait, vous voyez AC. Vous avez un sentiment de manque qui est induit. Vous dites, tiens, il manque un B. Ou au contraire. Vous pouvez avoir un module de séquence A, B, C, D. Et vous dites, tiens, il y a un truc en plus. Là, à ce moment-là, en fait, on a tiré votre regard sur un creux ou sur un trop-plein. Mais si on avait mis tout de suite A, C ou A, B, C, D, vous auriez pris ça comme un élément fini. Il y a les éléments dissonants dans le contexte. Je suis très théorique parce que du coup, je vais penser à la question un peu en avance. Et du coup, j'ai pris des notes. On va avoir une partie plus pratique après, je pense, avec vos questions. Mais un élément dissonant dans le contexte, c'est par exemple, j'essaie de trouver, ça peut être par sa couleur, par son incohérence par rapport à l'univers présenté, c'est par exemple une vieille chaumière avec un toit en chaux dans un univers SF. Ça, typiquement, c'est un truc qui va être dissonant et attirer notre regard. Voilà, dans quelques exemples de contrastes qui nous permettent en fait de rentrer le regard à l'insu du spectateur. Parce que personne ne se dit, enfin, à moins que ce soit vraiment très grossier, personne ne va se dire tiens, on a attiré mon regard. Et juste une dernière phrase sur ce que je considère comme grossier, ça va être pour le théâtre, à quelques rares exceptions près, c'est le moment où on va éteindre toutes les lumières et laisser un spot sur un endroit particulier pour que le spectateur ne puisse regarder que là, sinon il y a du noir partout, on ne voit rien. Ça, c'est un truc que je trouve, à moins que ce soit très bien utilisé, très finement utilisé et très rarement utilisé, je trouve ça grossier comme façon de faire de la mise en scène. Et dans le jeu vidéo, ça va être les objets en surbrillance. Voilà, c'est tous les objets avec lesquels on peut interagir. Ils auront une espèce de aura bleue ou verte ou rouge qui sera mise dedans pour nous dire, nous taper du coude dans les côtes en nous disant hey, regarde par là, tu fais un truc, regarde par là. Ce qui, pour moi, gâche l'expérience et annule l'impression de faire des trucs par soi-même. Voilà. Alors, tu viens de parler des objets avec lesquels on interagit. Une des différences importantes entre le théâtre ou le cinéma, en tout cas entre la mise en scène de théâtre et la conception de jeu, c'est justement que dans le théâtre, si on oriente le regard du spectateur, c'est pour qu'il regarde à un endroit. Quand on oriente le regard du joueur, c'est aussi pour lui faire comprendre avec quoi il va interagir et comment il va interagir avec les différents éléments présents. C'est ce qu'on appelle couramment l'affordance, c'est-à-dire non seulement savoir avec quoi je vais interagir, mais qu'est-ce que je vais en faire et de quelle manière je vais interagir avec. Là, ça pose des problématiques, j'imagine, de mise en scène tout à fait spécifiques. Ou du jeu de rôle, c'est moins pertinent. En jeu vidéo, en tout cas, on voit tout à fait, on peut donner des exemples vraiment simples. Typiquement, sur un Mario, le fait que les adversaires aient des formes de champignons, quelque chose qui nous incite à sauter dessus, parce que le champignon ressemble à un trampoline, ou que la tortue laisse sa carapace derrière elle, ce qui incite à la lancer, parce que ça ressemble quand même étrangement à une boule de bowling. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec le diagnostic posé sur Mario. Vous allez voir, je suis un mec hyper chiant, en fait. Je suis de gauche devant un mec de droite et de droite devant un mec de gauche. C'est insupportable, hein, je vous préviens tout de suite. Donc, le plus souvent, mes réponses commencent par non. Mais en fait, oui, c'est vrai. Mais j'aimerais ajouter décaler un tout petit peu le point de vue. Pour ce qui concerne Mario, bon, déjà, pour moi, contrairement à ce qu'on pense, les plateformeurs 2D, notamment les Mario, sont beaucoup plus cinématographiques que théâtraux. Et à l'inverse, les jeux 3D, en fait, s'éloignent du cinématographique pour rapprocher du théâtral. Parce que, justement, cause de cette liberté du spectateur avec le style droit de regarder où il veut. Et alors que Mario, en fait, et la plupart des jeux de SNES, ce n'est jamais que des longs travelling. Voilà, il y a un écran, on ne peut pas regarder au-dessus ou très rarement, on ne peut pas regarder en dessous. Et on est très limité par ça. Faut se déplacer pour voir autre chose et en même temps on bouge la caméra de manière strictement parallèle à l'action. Bref, en tout cas dans Mario, pour moi c'est plus de l'ordre de, dans l'exemple que tu as choisi, c'est plus de l'ordre de la mise en scène. Dès le début de Mario Bros 1, c'est un truc qu'on entend souvent hein, mais que je trouve très vrai. En fait, acte 1, scène 1, d'ailleurs c'est intéressant leur découpage dans les premiers jeux. Le chapitre 1-1, on a un petit champignon qui vient vers nous et qui nous impose de d'appuyer sur une touche. Voilà, on a deux touches à nos dispositions. Il y en a une qui va servir à rien à ce moment-là, qui est la touche pour courir, et une touche qu'on va appuyer très vite dessus, qui est la touche pour sauter. On comprend très vite comment ça marche. Et du coup, on va essayer de sauter d'abord dans un premier temps au-dessus du champignon. Et le truc assez bien foutu pour que le plus souvent, pour une première, on imagine un néophyte total, la première expérience, ça sera de sauter sur le champignon malgré soi presque, hein, et de se rendre compte que bon, on l'a tué. Mais bon, on sait maintenant qu'on peut tuer des ennemis en sautant dessus. Là, il y a une convention qui est posée. On sait qu'on peut sauter, et on sait qu'on peut faire disparaître un ennemi en sautant dessus. Ensuite, on est incité à aller vers la droite. Ça, c'est aussi de la mise en scène, pour le coup, au sens propre, parce que le sens de lecture, le sens de lecture admis dans la plupart des pays du monde à quelques exceptions près, enfin, qui sont quand même assez nombreuses. Mais bon, en tout cas, on va prendre la France comme exemple. Le sens de lecture, c'est de la gauche vers la droite. Hein. Je vois si Mario Bros dans le monde arabe a été fait à l'envers. Et de gauche vers la droite, et en plus, on est sur le bord gauche de l'écran. En tout cas, Mario, c'est un jeu japonais à la base. Oui, Mario, c'est un jeu japonais où la question du sens de lecture n'est pas vraiment pertinente. Mais en tout cas, il est sur l'extrémité gauche. Si on va à gauche, il ne se passe rien. Du coup, on va être incité à aller à droite où il y a le plus de choses. Et il y a notamment des points d'interrogation qui clignotent, dont on. Il y a dans l'interrogation, dans le point d'interrogation, il y a un truc de. Ah, tiens, il y a le cachet, il y a quelque chose. Et du coup, on va essayer de sauter très vite. On va se rendre compte qu'on peut casser des briques. Et on va se rendre compte qu'en sautant, il y a un truc qui se passe. Dans les deux premières cases, il y a sur l'une un champignon, sur l'autre, il y a une pièce. Bon, là, on a posé des conventions. Et du coup, mon champignon, la pièce, c'est un bonus. Le champignon, il bouge, on peut voir que c'est un ennemi. Mais bon, vu qu'on a eu un bonus, on va essayer de le choper quand même. En plus, il nous fuit. Il n'y a pas dans la direction vers nous comme un ennemi. Bon, c'est tout un tas de conventions qui sont posées. Et après, la carapace, en fait, pour moi, c'est vraiment juste la conséquence de la convention du Goomba. Tu sautes dessus, tu le tues. Tu vois un ennemi avec une carapace qui vient vers toi, tu lui sautes dessus, ça le tue pas. Il rentre dans sa carapace, tu lui re-sautes dessus, la carapace se barre. Je pense que c'est plus dans ce sens-là que ça se fait. Et ça, c'est ce que j'appelais, du coup, quelque part, la répétition d'une séquence. Et puis l'ajout ou retrait d'un élément de cette séquence. Voilà, et aussi pour ce qui concerne les ennemis différents, ça va être encore plus développé par la suite, ça va jouer sur des codes de couleurs, ça va jouer sur des légères différenciations, jusqu'à arriver, quand on refait le jeu une deuxième fois, à ce que tous les ennemis ou presque soient remplacés par ces petits ennemis qui sont des petites bombes qui sont indestructibles en fait. On peut juste taper dessus, les envoyer balader éventuellement, mais ils ne vont jamais crever. Voilà, je sais pas si ça répond vraiment à la question. Je sais même plus. On a beaucoup parlé de Mario. En tout cas, c'était il y a des enjeux spécifiques de mise en scène dans le jeu qui sont la mise en scène des interactions qui doivent poser des problématiques spécifiques aux concepteurs de jeu qui sont peut-être plus difficiles à mettre en parallèle avec les problématiques du metteur en scène de théâtre. Normalement, tu me dis non, là, si j'ai bien compris. Ouais, en fait, oui, je vais te dire oui parce que j'ai pas envie de passer pour un con, mais je vais quand même réagir. Et n'hésitez pas à m'interrompre, parce que quand je commence à parler, vous savez, ma formation principale, c'est formation de comédien. Du coup, on m'a appris à dire des choses, et notamment à improviser quand je sais plus quoi dire. Hein, donc, n'hésitez pas à m'interrompre à tout moment pour quelques raisons que ce soit. C'est bien noté. Pour la question de l'usage, qui est induit, c'est pas une problématique si différente du théâtre, je trouve. Bon, si, c'est une problématique très différente, en fait. Là, je suis d'extrême mauvaise foi, mais il y a des points communs. Les points communs, ça va être la convention préexistante à l'œuvre et l'élément disruptif dans cette convention. Dans l'œuvre par rapport à la convention. Je vais dire ça de manière plus claire. Dans un FPS classique, on voit quelqu'un, on tire. C'est très simple. Ou même c'est une convention que tout le monde met, quand on a une culture du vidéo un petit peu, on a compris. Voilà, dans un FPS, à un moment ou à un autre, tu vas tirer. Quand tu as un jeu qui est en vue FPS de type Gone Home, par exemple, il faut tout de suite briser la convention de « tu vas tirer ». Dans Gone Home, le début, on est devant, pour ceux qui l'ont fait. Est-ce qu'il y a besoin de faire un rappel, tu penses, sur Gone Home, est-ce que c'est ? Au cas où. C'est pas la peine. Gone Home, c'est un des premiers de la catégorie qu'on appelle les Walking Simulators. Où en gros, en fait, tu te balades, tu récupères des éléments d'histoire au travers de de petites bandes sonores, de lettres, d'éléments du décor, de la façon dont est structuré l'environnement, etc. Mais à aucun moment tu vas chuter sur personne, et le plus souvent tu es seul. Il n'y a pas de PNJ, il y a un décor que tu investis en fait. Il n'y a même pas, enfin, il y a éventuellement des petites énigmes, mais c'est extrêmement secondaire. Mais du coup, ce jeu-là vient avec une convention qui est assez neuve, enfin, qui a dû exister avant, mais en tout cas, c'est l'exemple qui m'est venu en premier. Et il faut poser tout de suite le fait que ce n'est pas un FPS et que tu vas tirer sur personne. Et tout de suite, quand tu arrives, en fait, tu es bloqué sur le palier. Et tout ce que tu peux faire, en fait, c'est regarder dans ton sac, voilà, prendre des objets, lire la lettre sur la porte, et après, éventuellement, trouver la clé qui se trouve sous le pot, comme toujours, à l'entrée, pour pouvoir rentrer. Ce qu'ils font là, c'est qu'ils partent d'une convention préexistante à ce jeu, et pour que le joueur ne soit pas perdu, ils en posent une nouvelle. Donc il y a toute cette notion de connaissances préexistantes. Ce qui est d'ailleurs un des freins à l'inclusion de nouveaux publics, que ce soit pour le jeu de rôle papier, que ce soit pour, j'imagine, pour le jeu de société, même si, enfin pour le jeu de plateau au sens large, ou jeu de société, même si on a une connaissance assez limitée, et particulièrement pour le jeu vidéo. C'est que pour ceux qui ont commencé à jouer dans les années 80-90, adolescents, il y a un tas de conventions qui sont totalement intégrées, notamment que les touches font des trucs et qu'il faut avoir des positions sur la manette pour faire des trucs. On se fout tous de la gueule du tutoriel au début où on t'apprend à regarder à droite ou à gauche dans un jeu vidéo, mais ça, c'est pas une base pour tout le monde. C'est une base pour les joueurs de jeux vidéo qui ont une connaissance préexistante de l'œuvre. Et pour le théâtre, c'est pareil. Il y a des conventions, en fait, qui vont préexister à l'œuvre. Ce qui fait qu'il y aura des pièces qui ne pourront être, qui ne pourront provoquer une adhésion directe à l'œuvre qu'en ayant un background d'œuvre précédente. Et pour les interactions avec avec les éléments de décor de type item, de type objet, de type PNJ, que je considère comme des éléments du décor, hein, c'est comme des portes, les PNJ dans les jeux vidéo, c'est pareil, tu commences un jeu, tu révolutionnes rarement un genre. C'est très très rare de révolutionner un genre. Tu pars du principe qu'il y a des bases qui ont été établies par les jeux avant toi, par les jeux du même genre que toi, pour le même type de contrôle que toi, ce qui fait que tu dois, dans le début du jeu, en fait, finalement, insister principalement sur les mécaniques nouvelles dans un premier temps, et après les développer dans leur complexité. S'il y a une façon nouvelle d'interagir avec un objet qui ne soit pas simplement s'approcher et appuyer sur A ou simplement passer dessus, il faut que tu le mettes assez vite parce que c'est un truc qui est profondément perturbant. Moi, ne serait-ce que dans un jeu de course, tu mets l'accélérateur sur la gâchette de gauche et le frein sur la gâchette de droite, je suis perdu. Voilà. Je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question, mais c'est vrai que c'est différent, mais cette notion-là qui les rapproche. Le cas de Gone Home est assez intéressant parce que il y a en effet cette notion d'habitude qui est troublée parce que oui, on est en vue FPS, on est en vue à la première personne, on est habitué normalement à du tir, et là on se retrouve face à quelque chose qui est de l'ordre. Alors il y en a qui disent effectivement des simulateurs de marche, mais en fait on est plus dans l'escape game en fait, puisque on est à chaque fois comment j'accède à telle pièce. Je dirais presque du point and click, même du point et cliquer quoi. Oui, alors c'est ouais, effectivement j'ai pas pensé à cette éventualité là, mais c'est une piste. Mais dans tous les cas, que ce soit point and click ou les jeux comme Gone Home, les walking simulator, on est dans une sorte de narration ou de mise en scène environnementale. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres narrations chorégraphiques avec des mouvements dans l'espace? Parce que le jeu, que ce soit de rôle, le jeu de société ou le jeu vidéo, ce sont aussi des corps, des formes, des masses qui sont en mouvement. Et le théâtre aussi, au final. Oui, je suis plutôt d'accord avec ça. Déjà, dans les formes basiques en fait, de narration au sens très réduit du terme, Ce que je disais tout à l'heure, et, enfin, par rapport à Mario qui existe sur tous les jeux en fait, d'antagonisme, où on va devoir détruire l'ennemi, en gros. Hein. En général, on reconnaît un ennemi au fait qu'il avance vers nous. Voilà, ça c'est une convention déjà de mouvement. C'est quand tu vois un PNJ, en général, il est assez statique, puis il va un peu dans une direction ou une autre, ou dans une zone qu'on t'a annoncé comme étant sécurisée. Mais quand tu vois quelqu'un arriver vers toi, notamment avec un flingue à la main, ben, c'est une convention qui raconte qu'il va te buter, ce qui pourrait être déjoué. Il y a des jeux qui le font, comme par exemple les Fallout, où finalement un ennemi n'est pas un mec qui arrive vers toi dans le désert, c'est pas forcément un mec qui va essayer de te buter. Ça se trouve, c'est un mec qui veut juste parler avec toi, ça peut être n'importe qui. Voilà, il y a cette convention-là de mouvement. Après, je vais prendre la série des Assassin's Creed, par exemple, qui est une série que j'aime beaucoup, finalement, dans ce qu'elle propose. Même si elle a été beaucoup décriée, pour des raisons que je comprends totalement. Mais il y a cette notion de foule qui est très présente. La notion, en fait, de foule au point que dans un rapport de mise en scène, ils en ont même fait un élément du jeu multijoueur, si je me souviens bien. C'est-à-dire que dans le jeu multijoueur, j'ai pas envie de dire de bêtises, corrigez-moi si je me trompe, mais dans un des multijoueurs de Assassin's Creed, on joue un PNJ en fait, et il faut se comporter le plus possible comme un PNJ tout en essayant d'atteindre un objectif précis. Et l'observation de celui qui va devoir assassiner en fait l'autre va se faire sur la notion justement que j'évoquais tout à l'heure d'anomalie ou de contraste entre les mouvements de la foule et des PNJ et les mouvements du joueur. Voilà, il y a un tas de choses comme ça. Pareil pour dans Assassin's Creed toujours, il y a une forme de chorégraphie, notamment dans le 1, dans les autres aussi. Il y a des patterns de disposition des personnages qui vont induire un rapport possible à eux. Quand on voit quatre personnages en fait en train de discuter tous les quatre ensemble, on sait que on peut les retourner pour en faire des obstacles par la suite en direction des ennemis. Voilà, on va la retrouver assez facilement. Quand on voit quatre prêtres qui marchent en procession dans Assassin's Creed 1, on sait très vite qu'on peut rentrer avec eux et les suivre pour passer inaperçus. Il y a toutes ces petites choses-là, en fait, qu'a posé Assassin's Creed 1 et que les Assassin's Creed suivants ont essayé de développer sur ces notions de mouvement. Bon, après, évidemment, ils ont aussi rajouté le truc qui m'insupporte, qui était très bien pour l'époque, mais qui est surutilisé aujourd'hui, à savoir la vision d'aigle. Vous savez, espèce de... Dans Batman, c'est un scanner. Dans Witcher, c'est le Witcher Sense. C'est ce truc-là qui fait que vous voyez le monde dans un dégradé de bleu. Et vous voyez vos cibles apparaître dans une couleur très flashy, voire au travers des murs, qui pour moi casse tout l'intérêt d'un jeu. Mais c'est une question, cette question du mouvement et de la mise en scène, des corps immobiles, des foules, avec des différences de mouvement fines, et de comment attirer l'œil aussi sur un PNJ particulier qui aura une quête sans avoir à lui foutre sur la tête un point d'exclamation ou un marqueur de quête sur le radar en bas à droite, c'est une question qui finalement a été assez peu explorée, à mon sens, dans le jeu vidéo en tout cas. Et le théâtre, pour le coup, pourrait être un vrai outil de... Enfin, la mise en scène, en tout cas, de théâtre, pourrait être un vrai outil, en fait, de changement des mécaniques en ce qui concerne ces éléments-là, ces éléments de mouvement. Alors, c'est bien beau, on parle de mise en scène depuis tout à l'heure, mais la mise en scène, ça suppose un metteur en scène. Si on admet que le joueur, comme le comédien, joue sa partie ou sa pièce, c'est qui la tierce personne qui est metteur en scène? Puisque le comédien, il est guidé, il est dirigé et puis il a un texte relativement contraint. Le joueur, ce qu'il caractérise, c'est que censément, je ne vais pas dire qu'il fait ce qu'il veut, mais qu'en tout cas, personne ne... Enfin, il est moins contraint. C'est souvent ce qui fait la spécificité du jeu, sa haute interactivité. Oui, là, pour le coup, je vais me permettre de quitter un peu le monde vidéoludique et de partager quelques réflexions que je peux avoir sur le jeu de rôle table, ou jeu de rôle au papier, parce que c'est là que ça s'exprime finalement le mieux, en fait, je trouve, cette espèce de rapport joueur-acteur, et aussi l'espèce d'antagonisme presque entre le maître du jeu et les joueurs. Dans le jeu de papier, c'est un truc que j'ai jamais eu l'occasion d'expérimenter par moi-même, parce que pas de planning et que personne autour de moi ne joue à ça, et du coup, malgré mon désir, j'ai jamais trop pu. Mais en tout cas, il y a le maître du jeu, donc pour ce que j'ai compris, il va préparer les choses à l'avance quand même. C'est un vrai boulot qui commence avant la partie, avant l'implication des joueurs qui vont incarner, qui vont représenter un personnage de l'univers. C'est un travail qui va essayer d'anticiper sur les réactions des personnages et quelque part de les contraindre aussi. On n'a pas envie que le jeu donne la possibilité, par exemple, si tout se passe dans un château et qu'il faut atteindre la dernière tour et qu'on a prévu un tas de salles compliquées avec des choses, des ennemis éventuellement, etc. On n'a pas envie qu'il y ait un mec qui te dise « Oh bon, bah moi, mon personnage, il fait 40 kilos, mais je suis hyper musclé. J'escalade et je vais défoncer le boss direct. » C'est un truc que tu n'as pas envie. Mais par contre, tu peux difficilement l'anticiper en tant que maître du jeu. Tu vas difficilement te dire à l'avance « Je vais décider que c'est... » pendant la narration, dire « Oui, bon, bah les murs, ils ont du gras dessus partout. » C'est pas un truc que tu vas dire. Sinon, il faudra que tu passes 4 heures à décrire l'univers pour dire toutes les choses qui sont impossibles de faire et pourquoi. Du coup, tu te laisses une part de liberté de dire à tout moment « Ouais, bon, t'essayes. » Et là, du coup, il y a des pics qui sortent et tu perds ton point de vie. Voilà, pour apprendre aux joueurs à rester dans les rails. Directement. Mais c'est ce rapport-là. C'est quelque part de la co-création. Co-création qui a ses limites dans le jeu vidéo, qui les a beaucoup moins dans le jeu de rôle papier, je trouve, parce qu'il y a cette capacité à innover, qui est chez le maître du jeu, qu'on ne trouvera jamais dans un... qu'on ne trouvera jamais. Je m'avance un peu peut-être, mais qu'on va difficilement trouver dans un jeu vidéo, quoi. Cette capacité que le jeu pourra avoir d'un coup, innover. D'ailleurs, c'est ce qui est très attirant pour les joueurs. C'est pour ça que Skyrim, en son temps, et même encore aujourd'hui pour pas mal de gens, a été une révolution. C'est qu'on avait le sentiment qu'à tout moment, il pouvait se passer quelque chose. Voilà. Après quelques temps, on se rend compte que finalement, en fait, l'éventail des choses qui peuvent se passer n'est pas si étendu que ça. Et c'est ça qui fait aussi la force de, d'après ce que j'en ai compris, qui n'est pas encore joué, du dernier Zelda. C'est qu'on a ce sentiment que l'univers n'est pas figé dans un système de règles, qu'on n'est pas dans des rails, mais qu'on peut trouver des solutions innovantes à tout moment avec les outils qu'on nous donne. Mais ça ne répond absolument pas à ta question. Alors, c'était bien parti pourtant, hein, parce qu'effectivement, je vois bien le parallèle en jeu de rôle entre le metteur en scène et le meneur de jeu. Mais effectivement, si la question se résout assez facilement, je pense, avec du jeu de rôle, encore que ça pose la question du concepteur de jeu et peut-être qu'il se retrouve dans une position de dramaturge. En tout cas, c'est sûr qu'en jeu vidéo, c'est plus compliqué, puisque effectivement, et en particulier dans les jeux à monde ouvert, il me semble qu'un des objectifs des jeux, c'est de donner le plus possible une sensation de liberté. Donc là, pour le coup, la portée du regard et à quel point le joueur peut porter son regard n'importe où, semble extrêmement étendu. Et plus on étend, moins on laisse de place à la mise en scène. Il me semble que la mise en scène, c'est justement savoir aussi, si ce n'est contraindre, en tout cas, oui, comme tu dis, orienter le regard. Bah, là, pour le coup, là, tu me fais un pont d'or pour réévoquer Zelda Breath of the Wild. que j'ai hâte de pratiquer. Mais ce qui est très intéressant, c'est que finalement, en fait, ils ont décidé de faire une mise en scène en poupée russe. C'est l'univers de Breath of the Wild, pour moi, il peut se résumer à ça, quelque part. Bien sûr, c'est beaucoup plus complexe, etc., mais enfin, on pourrait le résumer grossièrement comme ça. L'un des premiers moments dans le jeu, c'est un moment où on est sur des hauteurs, et quand on regarde, quand on fait défiler la caméra, bon, derrière nous, il y a la grotte d'où on sort, et qu'on regarde en fait tout ce qu'il y a à l'horizon, on va voir ici une immense montagne, ici un château, ici un temple, ici un volcan, ici des étendues d'eau, et au milieu de la verdure. Du coup, là, on est dans la mise en scène. On est, après tu peux t'amuser à regarder en dessous et tu vas voir assez vite d'autres choses. Mais déjà, en fait, on orne ton regard, on te donne un cadre dans lequel tu peux agir et des choses que tu peux désirer regarder, voire vers lesquelles tu peux désirer aller. Ça, c'est à une échelle macro presque. C'est le premier élément du jeu en termes de mise en scène et qui permet la suite. La différence finalement, en fait, avec le théâtre dans ce cas-là, c'est que, pour rester sur celle-là une seconde, c'est que quand tu regardes un endroit, tu vas y aller. Enfin, c'est un endroit qui t'attire plus que les autres, tu vas avoir envie d'y aller. Et le génie, en fait, de ce Zelda-là, à mon sens, pour ce que j'en ai compris encore une fois, ne l'ayant pas pratiqué, c'est que sur le chemin pour y aller, tu vas être confronté à des petites scénettes, enfin, ou des petites scènes, des micro-scènes qui vont être, qui peuvent être très basiques. C'est-à-dire, bon, bah, t'as un arbre avec une pomme dessus. La pomme attire ton œil, t'es en chemin mais tu la vois quand même et tu te dis tiens, est-ce que je peux faire un truc avec. Là on est encore dans la mise en scène, on a changé d'échelle, mais quand on voit une pomme dans Breath of the Wild pour la première fois dans un arbre, c'est déjà un moment intéressant. Ensuite on va nous montrer un rocher avec des ennemis autour d'un feu un peu en dessous. Ils vont d'ailleurs attirer notre attention avec du son, les ennemis le plus souvent. C'est pas dit qu'on les voit, que le regard soit premier. Ça va d'abord être du son. Tiens, il y a des grognements, tiens, il y a des orques qui se mouchent. Et là, on va les voir, et on va regarder un peu autour, on va voir un rocher qui les surplombe. Il y aura un tas de choses comme ça, en fait, qui seront des déclinaisons, en fait, de ce que moi j'appelle la mise en scène, à savoir orienter le regard et l'attention, et qui, dans ce but-là, qui, dans le jeu vidéo, comme tu le disais, a un intérêt de, comment dire, qui a pour finalité la manipulation, au sens pas du joueur par le maître du jeu, mais la manipulation de l'univers par le joueur, ben, de l'échelle macro, en réduisant au fur et à mesure et encore, ils ont réussi à créer une mise en scène en poupée russe. Qui fait que, oui, toi, joueur, tu es libre, mais tu n'es jamais perdu. Et tu peux aussi décider de ton échelle d'objectif. Ce qui est retranscrit, tu parlais de la portée de la vue, je crois, enfin, tu as une expression comme ça, qui me faisait penser pour le jeu vidéo à ce qu'on appelle la distance d'affichage. Le fait que Zelda ait opté pour une distance d'affichage aussi importante, c'est aussi une volonté que tu puisses, en fait, le plus souvent, décider de passer d'un objectif micro, la pomme, cuisiner, cueillir un champignon, taper sur quelques ennemis, à une échelle macro, un gros objectif. Aller sur une tour que tu vois au loin, qui d'ailleurs, la tour elle-même, qui donne une nouvelle position de spectateur et qui te permettrait de regarder et de définir de nouveaux objectifs en contrebas que tu n'aurais pas vu du sol, ou à aller jusqu'à la montagne de feu où tu es certain il se passera quelque chose et il y aura de belles choses à voir. Ce qui, en plus, comme j'ai bien foutu, va être le cas, évidemment. Et dans la montagne, encore une fois, la montagne, enfin le volcan, par exemple, va être foutu de façon à ce que dans cet ensemble-là, il y ait une mise en scène qui fasse que ton regard puisse être attiré vers un élément ou un autre, que tu comprennes les codes de ce nouvel environnement et que tu puisses définir des objectifs et que tu puisses repérer des interactions possibles avec les différents éléments. Je ne sais pas si ça répond à ta question, je l'espère en tout cas. Ça, je pense que ça répond à une partie de la question de Manuel. Je pense qu'effectivement, y a des choses qui ont été travaillées. Alors Zelda est un cas, il y a aussi le cas des GTA qui mélangent des environnements inspirés de villes réelles, New York, Los Angeles, avec d'autres leçons d'architecture, de design de Disney. Il faut savoir que les développeurs de Rockstar s'intéressent beaucoup au parc de Disneyland, etc. Où il y a cette impression avec ces grosses allées qui, et ces petites allées qui nous font faire des raccourcis. On a l'impression d'être malin tout en nous ajoutant sur le passage des tremplins, des différentes choses à casser, etc. qui rendent le jeu fun. On voit bien des petites astuces de mise en scène environnementale, mais je voulais revenir sur un autre point dont on a discuté hors micro, puisque en fait tout à l'heure Manuel disait oui l'acteur, l'actrice qui est un peu le joueur ou la joueuse de théâtre est contraint par le texte, mais c'est pas forcément le cas. On l'avait évoqué hors micro et je pense que ça peut être intéressant d'en parler parce que on a aussi de la mise en scène sans contrainte de texte. Oui, en effet. Là, pour le coup, en fait, ça me permet effectivement de revenir. C'est il y a peu d'espace, en fait. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas d'espace qui me permettrait une certaine forme de liberté. Déjà, même ne serait-ce que le comédien contraint par le texte, le comédien n'est pas contraint par le texte. Le texte est une contrainte. Voilà, de la même façon, en fait, que l'exemple que tu prenais de GTA et des petites contre-allées que tu peux prendre pour te sentir malin, le fait qu'il y ait des maisons autour, ça ne contraint pas le joueur, ça lui donne une contrainte supplémentaire dans laquelle il va trouver justement la liberté de prendre un raccourci. Pour le comédien, l'un des plaisirs, c'est évidemment de trouver sa liberté avec les différentes contraintes. C'est pareil que pour revenir au jeu de rôle, avant de revenir sur la mise en scène sans texte, au théâtre, l'un des plaisirs qu'on peut trouver dans le jeu de rôle, bien qu'il y ait un maître du jeu et des règles précises qui posent un cadre, ça peut être aussi l'interprétation. C'est on peut décider de si on est un elfe, de faire un elfe très loin du stéréotype de l'elfe très raffiné, etc., etc., et de faire un elfe parfaitement bourrin et odieux, ou même pour reprendre l'exemple du donjon à Walbuck, faire un elfe totalement con, vraiment, vraiment débile. Il y a une liberté là-dedans, ça n'a pas changé fondamentalement les règles du jeu, mais il y a une liberté, il y a un plaisir à ça, à l'interprétation et à donner sa couleur à soi, à l'histoire qu'on vit. De la même façon, dans les Mass Effect, on va avoir des choix qui sont assez anecdotiques, mais qui vont donner une coloration particulière au ou à la Shepard qu'on va interpréter. Juste pour... Voilà, il y a la liberté. Et il peut aussi avoir un plaisir aussi dans le contre-cadre à emmerder le MJ. Voilà, à trouver le truc auquel le MJ n'aura pas pensé, mais auquel il sera obligé de céder. Dans le jeu vidéo, ça va être le glitch dans le speedrun, par exemple. Il y a un mur qui n'est pas pensé pour être passé, et tu vois des mecs en fait passer au travers et aller directement au dernier boss et finir Zelda Ocarina of Time en 6 minutes. Ça c'est aussi une sorte de plaisir d'être plus malin que le mec qui pose les règles. Pour revenir à ta question concernant la création sans texte, effectivement, il nous arrive régulièrement au théâtre. Comme je disais tout à l'heure, le texte n'est pas vraiment premier. Le texte est un support, le texte est un prétexte. C'est une formule facile, mais elle m'amuse beaucoup. On peut totalement décider de faire de la création sans texte. Voilà. on se réunit, un metteur en scène, des comédiens ou même des comédiens seulement, et le metteur en scène va être tournant suivant les scènes, parce qu'il faut toujours qu'il y ait un regard extérieur. Et on se dit, bon, bah, bosser sur une scène, bon, bah, vous tous les deux, là, montez sur le plateau, faites-moi un truc autour de les asperges. Ça peut être, ça peut vraiment partir d'un point de vue, d'un point de départ aussi débile que ça. Enfin, vraiment, ça peut être, faites-moi un truc autour des asperges. Et après, les gens, ils ont la liberté, en fait, il y a une contrainte qui est les asperges, de proposer quelque chose. Et le travail, en fait, de création autour de ça, ça sera de donner une cohérence, de faire des choix dans ces propositions et de faire que à la fin de la création, on ait des scènes qui forment un ensemble cohérent. Voilà, en essayant de repérer les différents points communs qu'il peut y avoir entre l'impro qui a commencé sur les asperges, qui a fini en dispute de couple, et l'impro qui a commencé sur Nutella et qui a fini sur un rapport à la solitude et à l'angoisse devant le pot de Nutella qu'on finit seul, tu vois. Et on peut comme ça, en fait, finalement, avec des scènes sans avoir de texte au départ, évidemment quand on retravaille le matériel de base, on peut créer, on peut faire de la création, ce qu'on appelle la création au plateau. C'est de la, j'ai presque envie de parler de mise en scène émergente. Il y a des règles qui sont posées, c'est-à-dire qu'il y a un public. Le public ne doit pas se faire chier trop longtemps, à moins que ça ait un but précis. Et il faut qu'on fasse, qu'on nous raconte des trucs, ou que qu'il y ait un intérêt dans la chose. Il faut que ça fonctionne pour le spectateur. Ça, c'est une notion très vague du théâtre, mais que j'aime beaucoup. Il faut que ça fonctionne pour le spectateur. Quelle que soit la façon de fonctionner, mais en tout cas, pas qu'on se dise. C'est quoi ce truc, mais ils font quoi là sur le plateau? Et c'est une forme de jeu qui pourrait être intéressante de penser. Par exemple, si on prend l'exemple de Minecraft qui doit s'attrisser au rang des jeux les plus vendus de l'histoire du jeu vidéo, je pense, j'ai pas regardé récemment, mais je pense que là il doit être vraiment probablement dans le top 10. Le fait qu'il y ait autant de gens qui s'y mettent, qui y restent, qui y reviennent, c'est aussi dû à cette notion de création. Tu es contraint par un système de règles, certes, mais tu es libre à l'extrême de faire ce que tu veux. Tu es même libre de t'emmerder. Moi, régulièrement, je m'emmerde dans Minecraft. C'est pour ça que j'y joue pas si souvent que ça. Mais par contre, quand tu vois ce que les gens font sortir de ça, d'un système de règles qui a l'air comme ça au premier abord très très simple, et finalement au début, tu creuses, voilà. Des mecs qui te recréent des villes entières, une économie entière, des systèmes de métro, et qui vont, ou même des châteaux dans le ciel, qui vont reproduire l'univers de Dragon Ball Z pendant des jours. C'est proche de la création plateau, ce genre de jeu. C'est-à-dire, il y a un cadre qu'on donne, par contre, on vous donne aucun objectif. Voilà, on donne quelques contraintes, évidemment. Dans Minecraft, la contrainte, c'est il faut survivre. Voilà, c'est la seule contrainte. Voilà, donc, si je passe la nuit dehors tout seul, sans armes et sans armure, sans une torche, et t'es mort, c'est clair. Ça va légèrement orienter. Mais après, tu fais ce que tu veux une fois que tu as intégré ces contraintes de base. Alors, moi, il y a un truc que je comprends pas très bien. Où est-ce qu'on met le... Alors, en théâtre, donc on a le dramaturge, le metteur en scène, les comédiens et les spectateurs, tu en as parlé à plusieurs reprises, qui sont quand même le destinataire final. En jeu, donc on peut avoir le créateur du jeu, on a le jeu lui-même, on a le joueur, mais où est-ce qu'on place le spectateur? Est-ce que le joueur, il est en position de spectateur ou est-ce qu'il est en position de comédien? C'est une question qui demande réflexion. Je dis ça pour gagner du temps, hein. Je vous ai dit, hein, je suis un peu un escroc parfois. Je vous ai prévenu que je pouvais parler longuement. Ça, c'était clair d'entrée de jeu. Mais je ne sais pas si la notion en fait, de spectateur et d'acteur est vraiment faire la dualité spectateur-acteur est vraiment pertinente dans le jeu vidéo. Un constat que je peux faire, c'est par exemple quand je décrivais à une amie, quand je jouais et qu'une amie passait à côté et me disait « Tiens, il se passe quoi là ?» Suivant que c'est dans une phase de gameplay, je disais « J'ai pas le temps là, je suis en train de buter des ennemis, je suis un peu dans la merde. » Et si c'était dans une scène en fait de narration, je disais « Ouais, en fait, là le personnage, il raconte qu'il fait ça pour ça. » Du coup, je pense qu'il y a un rapport de spectateur et d'acteur, certes, dans le jeu vidéo, mais qu'il n'est pas dans la même temporalité. Il peut pas l'être. C'est pour ça aussi, je pense que les plateformes comme Twitch fonctionnent. Parce qu'on peut enfin, en fait, se retrouver dans une position pure de spectateur et apprécier le jeu. D'ailleurs, c'est très drôle parce que souvent, en tant que spectateur pur, non-joueur, on voit des défauts qu'on ne voyait pas en le jouant. Par exemple, le pop des personnages. Ça, c'est un truc, je m'en suis rendu compte sur, je ne sais plus quel Assassin's Creed, peut-être le 2 ou le 3. Mais en regardant des streams, je me suis rendu compte qu'il y avait tout un tas d'éléments de texture, etc., qui popaient pendant les scènes d'action, où on court très vite, où ça va très très vite. Et qu'en tant que joueur, vous n'avez pas remarqué. Après, j'ai allumé ma console, j'ai relancé le jeu. Et effectivement, sur ma console aussi, elle n'était pas plus puissante que les autres, ben, il y avait cette texture qui popait, ces personnages qui popaient au loin. Mais par contre, je ne m'en rendais pas compte parce qu'il y avait un effet, il y avait un effet de mise en scène qui était que j'étais focalisé sur l'action, focalisé sur l'obstacle le plus proche, les ennemis éventuels qui seraient à proximité et ce qu'ils pourraient me voir, éventuellement le radar de quête que je déteste toujours, mais que je ne voyais pas en fait les petits pets dans le jeu vidéo. Et c'est pour ça. Et par contre, dans les scènes cinématiques, tu es le plus souvent très chiadé. Hein, c'est au poil de cul près. Ça me permet de faire un dernier parallèle et après je pense que on va arrêter. Ça permet de faire un parallèle avec la notion de flow qu'on retrouve dans le jeu. La notion de flow, c'est cet état de concentration extrême où parfois nos actions dépassent notre pensée. On est presque spectateur de notre propre performance ludique, mais aussi artistique. Il y a beaucoup de musiciens ou de sportifs qui décrivent ça, et c'est aussi le cas, je crois, tu me corrigeras si je me trompe, c'est aussi le cas dans le théâtre où le comédien, la comédienne est tellement plongé dans son personnage que il le fait sans avoir conscience de le faire, entre guillemets. Oui, c'est un truc qu'on peut retrouver dans le théâtre, effectivement, et c'est le même principe finalement que dans le jeu vidéo par exemple. Mais avant de répondre à ça, je vais juste vous faire un petit retour en arrière sur la notion de spectateur et d'acteur. Je suis vraiment désolé. C'est par rapport... je réfléchissais aux jeux de rôle, notamment, ou aux jeux de société, dans cette notion de spectateur et d'acteur. Finalement, quand on joue à un jeu de société ou qu'on joue à un jeu de rôle, là, on est simultanément spectateur et acteur. Simultanément. Pas forcément simultanément. Mais on est dans des positions successives de spectateur et d'acteur qui sont inclus dans la façon de jouer. On est spectateur des réactions des autres joueurs, assez clairement, qui eux sont acteurs quand ils agissent. Du coup, on peut être admiratif de la trouvaille d'un camarade qui a trouvé tel moyen d'emmerder le MJ, ou au contraire d'avoir trouvé tel moyen de comprendre ce que voulait le MJ, comme on peut en fait se donner au regard en tant qu'acteur par une performance, une action ou par une opposition. Dans le FPS, dans les jeux compétitifs, l'un des plaisirs des jeux dits compétitifs, je pense au MOBA par exemple, comme League of Legends, ou je pense à Counter-Strike ou même Overwatch, ou à plein d'autres jeux compétitifs, les jeux de stratégie, L'un des plaisirs, c'est aussi de voir comment les autres font. On est spectateur de l'autre qui est joueur. C'est de se rendre compte qu'un tel a fait un truc super malin qu'on n'aurait jamais pensé à faire, qu'on va essayer de reproduire par la suite éventuellement, ou dont on a conscience qu'on ne pourra jamais reproduire. Moi, dans les FPS, notamment, enfin, j'ai peut-être trop vieux, mais moi, j'ai pas la dextérité pour sauter, faire un demi-tour et sniper un mec à l'autre bout de la carte, comme ça, voilà, avec le bon timing, en prenant en compte son mouvement. Par contre, de le voir quand je joue à un jeu type FPS à plusieurs, c'est un élément du jeu. C'est un élément du plaisir. C'est un élément du plaisir de jeu. Pour ce qui concerne l'état de flow, effectivement, il y a un moment en fait où on est par la répétition, que ça soit au théâtre ou dans le jeu vidéo. Je pense dans certaines mesures aussi, pour ce qui peut en entendre dans le jeu de rôle quand on le prend vraiment en mode roleplay, notamment dans les GN. On arrive à rentrer dans un état où la réalité extérieure aux conditions du jeu n'existe plus. Où finalement nos actions et nos décisions sont purement conditionnées, enfin, avec des limites évidemment, hein, on va pas non plus, enfin, si quelqu'un meurt à côté de nous, on va s'en rendre compte si on est en train de jouer évidemment. Mais en tout cas, on est dans un rapport au jeu, que ce soit le jeu du comédien, le jeu dans le grandeur nature, le FPS ou le beat'em all, dans un rapport où on est sur du réactif pur. Et on se rend compte que le moment où on passe en tant que spectateur et on se dit « putain, c'était cool ce que j'ai fait », c'est le moment où en général on prend très cher. Notamment dans les beat'em all et les jeux de combat, par exemple, il faut rester concentré sur le présent immédiat et pas avoir de retour rétrospectif sur « putain, je suis trop fort ». Sinon, on perd l'attention et c'est fini. Et c'est effectivement un truc qu'on vit en tant que média, même des fois à des degrés extrêmes. Moi, ça m'arrivait une ou deux fois de monter en scène en tant que comédien, d'en sortir et d'avoir plus aucun souvenir de ce qui a pu se passer entre les deux. Mais vraiment, voilà, d'avoir conscience quelque part que j'avais joué mon rôle, j'avais fait ma partition, mais sans pouvoir dire ce qui s'était passé, ce que j'avais fait, si j'avais été plutôt bon par rapport à mes ambitions ou plutôt mauvais, s'il m'était planté à un moment ou à un autre. Et je sais qu'en en parlant avec d'autres comédiens, ça leur est arrivé aussi. Je pense que c'est ça l'état de flow pour le comédien. C'est ce moment où on oublie. Et pour ce qui concerne le jeu vidéo particulièrement, moi je vois vraiment dans les beat'em all, je pense à Bayonetta. Bayonetta, il y a un moment où toutes les... ah tiens, là c'est intéressant pour la mise en scène d'ailleurs, où toutes les indications en fait du jeu, tu les intègres, les indications de mise en scène du jeu, qu'elles soient sonores, visuelles, tu les intègres et tu réagis dans le quart de seconde du moment. Tu prends des décisions à une vitesse fulgurante, ce qui fait que le jeu est extrêmement plaisant à jouer et que ça maintient ton attention. Finalement, les scènes cinématiques et l'histoire, tu t'en fous un peu. Tu les regardes parce qu'elles sont fun et que ça te permet de prendre une respiration parce que tu ne pourras pas tenir comme ça pendant 20 heures de suite, même je pense même une heure ininterrompue comme ça avec des ennemis qui arrivent par vagues. Je pense à un moment, ton cerveau il surchauffe et t'es mort, quoi. Mais il y a cette notion-là de flow. Et là, la mise en scène est bien pensée parce que tu as des indicateurs visuels quand tu as une attaque, un peu avant, tu as un indicateur sonore et tu intègres tout ça en tant que comédien de ton jeu. Et t'as ce plaisir jouissif de ne pas être, enfin t'es presque en méditation, de ne pas être en fait dans un présent réflexif ou rétrospectif ou d'introspection. T'es dans le plaisir de, il y a un stimuli, j'ai une réaction, c'est la bonne réaction, j'ai une récompense, j'ai pas la bonne réaction, je me fais latter, je reprends le dessus, etc., etc., etc. Et ce qui est pareil pour le théâtre. Si tu te plantes au théâtre, ce qui arrive tous les soirs au théâtre, les comédiens se plantent dans toutes les pièces. Il faut que tu te démerdes pour trouver un moyen que ça ne se voit pas et que ça soit cohérent avec l'ensemble quand même. t'as une microseconde où il faut que tu trouves la façon de faire géniale qui va faire que personne ne va s'en rendre compte et que le spectateur sortira avec l'illusion que c'était bel et bien ce qui avait été prévu par la mise en scène, ce qui régulièrement n'est pas le cas. Voilà pour mon long monologue. Comédien, metteur en scène, game designer, joueur, spectateur, à vous de choisir votre camp. Nous, on va prendre aussi 15 jours pour décider du nôtre jusqu'au prochain numéro de Ludologie. Il nous reste néanmoins une dernière question à poser à notre invité Rachid Marocci. Une dernière question traditionnelle de cette fin de saison, de cette saison pour Ludologie. Est-ce que tu peux nous évoquer un moment de jeu, un moment ludique Une expérience ludique qui a compté pour moi. Qui te reste en mémoire. Il y en a énormément pour le coup. Je vais essayer de pas faire dans l'habituel. Ça, c'est les types qui essayent de se distinguer, on les voit bien. Celui-là. Ouais. Bah oui, c'est ça, c'est le snobisme des gens du théâtre, très connu. Hein. Et là, en venant parler avec vous de jeux, en fait, je fais du méta-snobisme parce que c'est tellement habituel dans mon milieu de parler de la culture noble, tu sais, ce qu'on appelle la culture bourgeoise. La culture légitime. Voilà, la culture légitime, appelée aussi culture légitime, que du coup, parler de jeux vidéo, bah, c'est au-dessus, tu vois, c'est la distinction absolue. Mais tu sais qu'on t'entend gagner du temps quand même, là. D'accord. Alors, un moment qui te reste en tête, hein, quelque chose qui t'a marqué. En bien ou en mal, d'ailleurs. En bien ou en mal, effectivement. Quelque chose qui m'a marqué en bien ou en mal, je vais prendre... Je vais prendre Final Fantasy VII, je vais pas faire dans l'original. C'était vraiment une expérience marquante pour moi. Parce que avant ce rapport-là, enfin avant de découvrir les RPG, notamment par l'intermédiaire de Final Fantasy VII, et je mets de côté évidemment les Zelda, hein, qui sont pas des JRPG, qui sont pas des RPG au même sens que Final Fantasy VII en est un. C'est plus des aventures action d'ailleurs les Zelda. C'est vraiment en fait d'avoir une expérience qui est à la fois de jeu, il y a un jeu. Et qui est à la fois narrative, et narrative sur un temps long. C'est-à-dire, FF7, moi j'ai mis 60-70 heures à le finir, et je découvrais de nouvelles choses à chaque fois que j'allais à un endroit avec un autre personnage, je me rendais compte que tel village lambda qui ne me servait à rien, finalement quand j'y vais avec tel perso, y a une cutscene qui se met en place, et que j'en découvre un peu plus sur le background de manière très fine, sur le personnage en question, et qui fait de poser des questions. Évidemment, j'ai spoilé Final Fantasy VII, évidemment, ce retournement final où tu te rends compte que finalement ton personnage, il a un souci dans sa tête, quoi. Il a fantasmé une vie qu'il n'a pas eue, que le personnage dont ton personnage se souvenait, c'était un autre et que lui, il était là en tant que troufion de base, dans un costume militaire tout pourri, comme des ennemis de base que tu vois régulièrement et que tu défonces. Et cette narration, en fait, possible sur 80 heures, est cohérente. Qui ne serait pas possible, en fait, sur une heure et demie de film, qui serait même difficilement possible sur un roman, vu le nombre de choses qui se passent, les retournements de situation, etc., etc. Et c'est ce qu'a retrouvé, d'ailleurs, plus tard, la série télé moderne, comme on la voit aujourd'hui, où finalement, tu auras une histoire qui va exister et être cohérente d'un bout à l'autre, sur 4-5 saisons, avec un début en début de saison, une fin, à la fin du dernier épisode, et entre-temps, des micro-arcs narratifs qui vont tenir en haleine en attendant qu'il y ait un prochain élément qui te révèle un nouveau bout de la grosse histoire qu'on te présente et qui finalement n'est jamais qu'un film de 25 heures. Et donc ce sera sur ces mots et Final Fantasy qu'on va se quitter. Merci beaucoup Rachid Marouchi, donc je le rappelle, comédien, metteur en scène et podcasteur. En tout cas, on espère son retour à l'avenir. Merci beaucoup. Et je tiens aussi à remercier donc Mehdi Delavizurgani qui nous a aidé pour la préparation de ce podcast. Nous, on se retrouve dans 15 jours. En attendant, jouez bien, jouez plein, tant qu'on a le droit. À bientôt.